Rien n'a rien, qui tente tout, risque beaucoup, à ce jeu pour un fou, cynique, empirique, peu de chien, peu de chien, assez fort. Toutes les boules finir jeu, nous sommes bien pas rentrés. Mais... c'est utile. Ah. Tu rentres pas dans. Risque pas. Faire grand chaud. Si tu rentres pas. Donc. On essaye quelqu'un en expo. Like a watermelon. Meu grande amigo Cleverson Roberto Ferreira, meu irmão, aí, abração Cleverson Roberto Ferreira, lá no bairro Morumbi, Lair, Lair por aqui também, Lair e Chimekel, é isso mesmo? Quando tu lances des références. C'est la plus histoire derrière les tomates au ketchup. Et ben c'est l'histoire d'un mec qui connaît pas l'histoire de dingue, la chanson qu'il veut mettre. Et du coup, il chantonne le truc des tomates au ketchup. Et en fait, c'est Rapper's Delight. Il essaie de chanter. Il fait les tu savais? Je savais trop pas. Le tube des tomates ketchup là. La nanana nanana nanana. Et bien en fait, c'est l'histoire. Les paroles. C'est l'histoire d'un mec qui arrive devant un DJ et lui dit: mets cette chanson qui est super. Et lui chante. Et en fait, il n'arrive pas à chanter. C'est Rapper's Delight. Donc c'est. Ici, c'est le hip. Hop, the habit, et en fait, et du coup, en fait, c'est les tomates ketchup qui font ah, les a, les gilly gilly gilly. Et c'est ça les paroles. Tu savais? Non. Mais moi non plus, je savais pas. That's crazy. Did you knew? Oh, a wonder way. Alors on y va. Alors on y va.